You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. Well, it's a very dreary night. Please make sure that you're safe on the road because the rain is changing to winter mix and the roads are slick. The sidewalks were slick in downtown Minneapolis, and when I arrived, they were even worse. So as the night goes on, it's probably going to get worse and worse. So stay safe, listen to me, and, you know, if you're in your car, just focus on the road. Tonight, we're going to do a couple of things. First, we're going to start with a tribute to a singer that was really famous in the 80s. Called Herbert Léonard. He just turned 80, and 2 days later, he died. So, a few after. So, he was very successful with romantic songs, and we're going to listen to three of them. The first one is Pour le plaisir, for the pleasure. The second one is Puissance et gloire, glory and power. And it was the... I'm thinking about a French word, générique. It was the soundtrack for a TV show that was called Château Vallon. And then the third one is a duet called, the name of the song is Amoureux Fous, or Crazy Lovers, or Crazy in Love. And it was with Julie Pietri. So once we're done with these three songs, I'll come back. Later in the show, we'll talk about events, but tonight, I created a playlist based on the 40th Victoire de la Musique. And the Victoire de la Musique is like the victory of the music, and it's like the Grammy Awards, you know. You get people to compete and get prizes for the best of them. So there's different categories, and I'll get back to that, but it should be fun. So fairly recent artist, even though there's a tribute at the beginning of to older artists, but after that it's mostly recent artists with like maybe a couple of songs in English, but we'll see. And I'll get into the more specifics later. All right, so on y va with Herbert Léonard and three songs. This is Freddie. And tonight, Adrienne and Romain chickened out. So I called them poule mouillée, or like a wet chicken, which is the expression in French for, you know, being a chicken. And so let's go. On y va. Se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant, simplement, lui sourire, pour le plaisir. Yeah. sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou. Et un soir, tout claqué d'un seul coup. Par la tourmente, douce, romantique ou intrigante, nul ne sait rien de vos secrets, de vos désirs, de vos regrets. Puissance et gloire dans le trouble d'un regard. Autour de Château Vallon, puissance et gloire aux fantasmes éternels sous la lumière illusoire d'un soleil artificiel. Fini sur un dernier mot d'amour. toucher ton visage, respirer ta peau et m'abandonner contre toi. Déchiffrer tes yeux d'aquarelle, me glisser sous tes satins, embrasser tes lèvres, gémir dans ton cou et nous sentir amoureux fous. De tes caresses, trouver tes chemins secrets, retenir nos souffles, mêler nos cheveux et nous sentir plus amoureux. Et voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio every Tuesday 8 to 10 p.m. This is Freddie, and we just listened to three songs from Herbert Léonard, who just passed away. We first listened to Pour le plaisir, then Puissance et gloire, and then Amoureux fou, a duet with Julie Pietri. We're going to keep the evening with the Victoire de la Musique. And so the people that were nominated, some that win, some didn't. But the first three songs, the first song is going to be for Eddie Mitchell, because every Victoire de la Musique, they are celebrating an artist who's older, like for legacy and, you know, their career and stuff. So we're going to listen to Eddie Mitchell, and dédicace to Romain. It's la dernière séance, the last viewing. And it's in a movie, and the movie theater is closing, and it's the last viewing, and so one is crying, the other one is sad, and some sleepy, and, you know, it's like a movie theater, a neighborhood movie theater. So this song is not very recent, but it's a recent rendition because it's a live version, and I encourage you to go to local movie theater if you can, like the Parkway or the Riverview or, you know, the Trident. I mean, like all small independent movie theater. If you keep going, they'll keep on going. Then we're going to listen to Véronique Sanson with a song called Baya. I know for Romain it's not amoureuse, but, you know, we got to change a little bit. And this one is a remix from Bon Entendeur. And Bon Entendeur is a band who's doing, like, you know, techno remix and disco a little bit, and sometimes taking, like, all the songs and just redoing them at more recent songs. So it's a great version. And then we're going to listen to the person who won the masculine artist for this year, the main artist for this year. It's Gims, and it's a duet with Gims and Distinct. And the name of the song is Spider. We listened to it not that long ago, but it's always good to listen to Gims anyway. It moves a lot. So, all right. On y va. C'est parti, mon kiki. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, je le dors comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon à 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer, mon voisin est en ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Thank you. maximum. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, sur le féfé. Je préfère mieux ça qu'Audi TT. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. J'suis dans le radio, j'traverse l'époque. J'fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. J'suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes marquantes, j'les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, j'suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé. J'préfère mieux ça qu'Audi TT. Donc, Spider pour cet été. J'suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. On y va. Maintenant, maman posée en Rolex. Posée à la cheville en business class. Showcase Dubaï, beauté, casaque, plein de cash. Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis full human. Si d'un vol loco, j'ai flamme. Je pose des milliers à LV, banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé. Ok, bébé, j'avoue, j'suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé. J'préfère mieux ça qu'Audi TT. Donc, Spider pour cet été. J'suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie. Ah, hi, hi, ah. Je n'ai vu que toi, oh, habibi. On y va. Chambouler leur inter, chambouler leur inter, chambouler leur inter. Oh, la vie pas la cité, elle va chambouler leur inter, chambouler leur inter, oh, chambouler leur inter. Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. 90.3 FM in the Twin Cities, KFAI.org for the rest of the world, and non-profit and listener-supported. We just listened to three songs, and the first two songs were a tribute to both Eddie Mitchell and Véronique Sanson. So for Eddie Mitchell, it was La Dernière Séance, and for Véronique Sanson, it was Baya, but it was the version of Bon Entendeur, so a remix version, and more recent. And then just now was Games and Distinct with Spider. And Gims is the winner of the Male Artist for the Grammy Awards equivalent in France, called Les Victoires de la Musique. And we're going to keep on going with more artists that were nominated. So these three did not win, you know, masculine artists, but they're still very good. So we're going to listen to Justice. And I'm making an exception tonight because I'm playing two tracks from Justice. And they are in English, where normally we play mostly French songs, or songs in French, I should say. But they are French artists. And they are going to be in the Twin Cities in June at the Armory. So if we can get tickets to give away, we will. If not, you just buy it. The name of the song is Never Ender, and it's featuring Tame Impala. It's from their newest album, Hyper Drama. And then after that, we're going to listen to Philippe Catherine, a title from his new album, Zouzou, which came out like maybe 4 to 6 months ago. And the name of the song is Nu, or Naked. And it's a song he was singing for the opening of the Olympics in Paris on the boat and being all in blue. Like a Smurf, but not being a Smurf because he didn't have a white tail. And we're going to listen to Gazo and Tiakola. They did like a common album called La Mélo et Grand Geeks. And the song we're going to listen to is Notre Dame featuring Angèle. All right. And after the announcement, the song will play. It'll be Minnesota Mardi Gras when blues legend Marsha Ball and her band storms the Parkway Theaters Thursday, March 6th. With her latest album, Shine Bright, Marsha Ball brings her signature Texas boogies, swampy New Orleans ballads, and Gulf Coast blues to a whole new category. Tickets for Marsha Ball can be found at the Parkway Theaters website. Visit theparkwaytheater.com for more details. Thank you. nu. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui. Vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu, nu. Tout simplement tout nu. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux, des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nul. Restons nus. Tout simplement tout nul. Il n'y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu. Non, on est tous sœurs et frères quand on est tout nu. Nous vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu. Parisien, j'étais dans une autre dame. Déchiré, j'étais dans un autre état. J't'avoue, j'ai merdé, là, c'était plus fort que moi. Mais c'est moi ton number one. Plus trop le choix, rien que j'suis bloqué ou que j'aille. J'mentirais si j'te dis que j'suis prêt à die. Mais pour me faire pardonner, j'te fais fly. Car c'est toi ma number one. Notre dame, bébé. Dans un autre état, bébé, dans un piton. J't'avoue, là, j'ai merdé, grave. Mais c'est toi, ma number one. J'ai plus le temps de voir la mif et toi, tu veux que qu'on parle l'hôtel. Au lieu de me dire c'est qui la selle, dis-moi, on se pète dans quel hôtel. Dis-moi seulement si t'es open et après la promo, j'te rappelle. J'ai vu des mélanges mauvais d'elle. Si tu veux savoir, j'suis dans laquelle. J'aurais dû te dire, c'était pas si simple d'être ma babe. Non, non, d'être ma babe. Non, non, d'être ma babe. Non, non. Après faut qu'on paye. Maintenant faut qu'on paye. Maintenant faut qu'on paye. Maintenant. Parisien, j'étais dans une autre dame. Déchiré, j'étais dans un autre état. Ça où j'ai merdé, là c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Mais c'est moi ton number one. Plus trop le choix, rien que je suis bloqué ou que j'aille. Je mentirais si je te dis que je suis prêt à die. Mais pour me faire pardonner, je te fais fly. Car c'est toi mon number one. Il y avait trop de poids sur mes épaules et j'avais trop de voix dans ma tête. On s'est vu peu de fois mais tu découches. J'ai pas de comme toi dans ma vie. J'ai rêvé d'autres mares et de relis. Je me voyais autre part que la ville. Si la rouge la vois sans toi, t'inquiète, je te le ferai comprendre. Si tes yeux n'ont plus contact, un nous sera plus content. Beaucoup me disent que t'as l'air innocente, mais tu pourrais être mon péché et mon songe. Pas du genre à fouiller dans tes messages, que je te pardonne de la meilleure façon. Pas le temps de jouer. J'ai trop de rêves devant moi. J'peux pas courir derrière Watt. Mais sans toi, je me sens plus dangereux. cette fois vendre des kilogrammes. Ou bien chanter Oua, pas le temps de jouer. J'ai tous mes rêves devant Wam. Ne pas courir derrière Watt. Ouais, sans toi, je me sens plus dangereux. C'est soit vendre des kilogrammes. Ou bien chanter Oua. Parisien, j'étais dans une autre dame. Déchiré, j'étais dans un autre état. Je t'avoue, j'ai merdé là, c'était plus fort que moi. Mais c'est moi ton number one. Plus trop, je suis rien que je suis bloqué ou que j'aille. Je mentirais si je te dis que je suis prêt à die. Mais pour me faire pardonner, je te fais fly. Car c'est toi ma number one. Dans une autre dame, bébé. Dans un autre sein, bébé. Dans un autre sein, bébé. Mais c'est toi ma number one. KFAI is pleased to present the 2025 Decibel Magazine Tour featuring Norwegian black metal legends Mayhem, Saturday, March 29th at First Avenue in Minneapolis. With support from Mortis, Imperial Triumphant, and New Skeletal Faces, this show will guide you from the dark past to the freezing moon. Tickets for Mayhem, Mortis, Imperial Triumphant, and New Skeletal Faces are available now at First Avenue's website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy. We listened to three songs from Les Victoires de la Musique. We listened to Justice with Neverender featuring Tame Impala. And then after that, it was Philippe Catherine with New or Naked. And Gazewood Tiakola with Notre Dame featuring Angèle. And those were nominated for Les Victoires de la Musique, the Grammy Award 2025 that happened on Valentine's Day this year. I didn't happen to watch it because I was in a restaurant, in a French restaurant, because I was in Paris and I was celebrating Valentine's Day because I had someone too. And in a meat restaurant called Le Louchebem in Les Halles. So, very recommended if you like meat. They are like previously they were butchers from generations after generations. And but that was that night, and we're gonna keep on listening to people who were either nominated or won. So the three next songs are the ladies, and they were artists of the year. Clara Luciani with Tout pour moi from her album Mon Sang. Tout pour moi is all for me, and Mon Sang is my blood. Then after that is going to be Zao de Sagazan with La Symphonie des Éclairs, the Symphonies of the Thunder, and it's the same name for the album. And then Santa, which stands for Samantha and not Santa Claus, with a song called Recommence-moi. Let's do it again. Let's start again. And Santa was part of a band in 2016 that was hyphen, and it was very popular. So she went solo and she did an EP and a lot of good things. She was also singing at the opening ceremony of the Paralympics. And Zao de Sagazan, you might have seen her either at the Festival de Cannes or because it was, she was singing. All right, on y va. T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom. Si tu écriras un livre ou un opéra, un livre ou un opéra, mais t'es tout pour moi.

corbeaux au-dessus des nuages. Mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout je remettrai de l'onde sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prières. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, tourne, tourne, ce sera la nôtre. Et si le temps change, voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy. Adrienne and Romain might be back next week. We'll see. It depends if there's snow on the road or not. If you're on the road, be careful. Please focus. And if you're not, stay warm. Stay inside, stay warm, and keep listening to me. And I'll be here until 10 o'clock. For after that, it's going to be Balkan Jamboree. But in the meantime, we just listened to three songs. So there are the four ladies. I mean, there was only three, but the fourth one is coming. Nominated for Woman of the Year at the Victoire de la Musique, Woman Artist. It was Clara Luciani with Tout pour Moi from a nouvel album Mon Sang, On My Blood. And actually, I said Tout pour Moi and it's the name of the song, and it says everything for me. But in the song, she adds, in at times, tu es tout pour moi. You are everything for me. So that's changing the meaning of it. Then we listen to Zao de Sagazan with La Symphonie des Éclairs. And she's the one who won. Then after that, it was Santa with Recommence-moi. Now we're going to listen to three more songs. The first one is

veux de la tendresse, je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis dans ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And we just listened to three songs from the Academy Awards, at the Grammy Awards in France, Les Victoires de la Musique. So the first one was from Pierre Garnier avec... the first one was Eddie de Preto with Iseult, and Iseult was nominated as female artist with the song Pose. Then it was Pierre Garnier, part of the Star Academy, with Ce qu'on était, and he was nominated for the men category. And then it was Lucky Love with Je veux de la tendresse, also nominated. So there's going to be one more after that nominated, and I don't remember who won. It was Pierre Garnier with Ce qu'on était. So that was really cool. We're still going to listen to the other one after that. But before that, just the announcements, and then we're going to talk about the events. So you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. So, events coming up on the 6th, Thursday, March 6th, between 6 p.m. and 7:30, La Vie en Rose, the Edith Piaf songbook. And this is going to be at the Crooner's Supper Club. That's located 6161 Highway 65 Northeast, this is Minneapolis, but it's a little bit out of it. And it's going to be a beautiful French cabaret. Enjoy the song of Edith Piaf, along with some hot club swing and Parisian musette, featuring accordion, guitar, bass, and vocals. And it's going to be with Diane Jarvie, along with Dan Newton, Eric Listerol, Kirestol, sorry, and Mike Kramer. All right, so you can either go to the website of the Crooner Supper Club, or you can go on our Facebook page, and there's a link toward the tickets for Eventbrite. And then, also on the 6th, so you're going to have to pick your battles, on Thursday, between 6 and 8 p.m., Le Mois de la Francophonie exhibit opening. So it's the beginning of celebrating Laos, the country of Laos, by the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul. And it's happening at 227 Koufax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And they are going to celebrate Laos in all its colors and diversity. Discover some historical artifacts to understand better Laos' history and the country ties to France. And there's going to be some song and a little bit of music, and should be fun. Then on Sunday, between 1 p.m. and 3 p.m. in the afternoon, Bachman's Music in the Garden. And it's going to be our friends with the new Riverside Ramblers. So if you like Cajun music, that's fantastic. If you like food, that's also fantastic. Because it's by Patrick's Cafe, Bachman's on Lindale. So, escape the chill and lush of warmth at the Bachman's greenhouse while listening or dancing to Cajun music. All right, and there's going to be Patrick's Bakery, so you can enjoy like sweets and savory quiche and glass of wine, and they'll be open for food and beverage purchases. Still, Le Mois de la Francophonie, that is going to be on Wednesday, March 12th, And that's going to be Les Navigateurs de la Littérature. So I'll talk a little bit about it also next week. But it's a book club. It's online. And it's called L'Imprudence. And it's from Lu Wei Fang. And it's through the Alliance Française. So there's a link to the event on the Facebook page. Otherwise, you can go to afmsp.org. Quickly, on March 28th, Paris Chanson at the Dakota, they're going to have two shows. It's on a Friday. So they're going to have one show, one early show and one later show. Where are the times? I think one is at 9. And I don't remember. So 6:30 and 8:30. So two shows for Paris Chanson. They sing a lot of French songs, but they also sing some songs more like international. So a lot of variety, a bit of gypsy. I mean, it's very entertaining. We really like him. So Friday, March 28th. It's a little bit of ways away, but I want you to be able to know about it so you can plan for it. A new news that we've heard recently is that Justice, the band from France, who's we just listened earlier, as they have a new album that came out like a couple of months ago, and they are touring to support it. They're going to be in Minneapolis on Tuesday, June 17th at 7 p.m. at the Armory, downtown Minneapolis. It's 506 Sixth Street South, and it's a very big room, and it's I think it's a great room. But yeah, so they'll be there. So you can get your tickets at the armorymn.com/event/justice-live. Or you can go to our Facebook event on our Facebook page and click on the link. And that's about it for the main ones. Just a quick reminder that there's going to be Alcest, a band of black metal, on Monday, March 17th at the Fine Line. And another concert that's coming up and to prepare for is Wax Taylor at the end of March. So March the 29th, Wax Taylor DJ set, also at the Fine Line. So, oh, and Caravan Palace on April 3rd. I went to see them at the Fillmore in January of, not last year, the year before, I think. And they were fantastic. Now they're going to be at the First Avenue. And I'm pretty sure they're still going to be fantastic. So Caravan Palace is disco swing and a little bit electronic, but it's really awesome. All right. I think we talked a lot, especially me, which is not surprising because I'm by myself. We're going to listen to Alyosha Schneider with Ensemble, which means together. And it's featuring Charlotte Carda. And he's nominated for Révélation Masculine, or the guys. Then we are going to the Révélation Féminine with the ladies. We're going to listen to Solan with Rome, like the city of Rome. Then Stiletto with Faut que tu m'aimes, you have to love me, because she has some hardship with self-love. All right, I remind you that Pierre Garnier is the one who win the masculine Révélation Masculine, and the one who won for Révélation Féminine is Solan. So we're going to be able to listen to her. On y va. La mémoire est courte, l'été est cruel, et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle, et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble?

Tonight, the artist nominated sur les Victoires de la Musique are like the Grammy Awards, but it's the fourth year. He was on February 14th on Valentine's Day. And so we listen to Alosia Schneider with Ensemble, featuring Charlotte Cardin, our friend from Canada. And it was a very great and sweet song. Then we listen to Solan with Rome. And then it was Stiletto with Faut que tu m'aimes. You have to love me. And if I didn't say it clearly enough, Pierre Garnier was the révélation masculine, man revelation. And on the révélation scène, it was Yoa. And we're going to listen to her soon. So that's coming up. We're going to listen to Yoa, and the name of that song is Booty Call. It's from her album Chansons Tristes, or Sad Songs. Then we're going to listen to Shay and Niska with a song called Sans Cœur from her album Pourvu qu'il pleuve. And the reason is there is because she was nominated for concert. Acte 3, her tour. And yes, and 113 is 113, which is a band, and they've been nominated because part of the band was DJ Mehdi, and there was like a documentary about him, and the documentary was nominated in a section called Création Audiovisuelle. Voilà. And it turns out that pour Création Audiovisuelle, DJ Mehdi, Made in France, is the one who won. And for the concert, the one who won was la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. And that concert, I don't have any extract from it because it was the opening ceremony of the Olympics and the Paralympics and the end of it. Also nominated was La Symphonie des Éclairs de Zao de Sagazan. All right, so we just have to listen to the songs now. Let's go. Tu sais que tu me manques tard le soir et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. Je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là. Je pourrais le cacher, mais je n'y arrive pas. À l'autre bout du téléphone, j'écris chansons sur toi. Pour ne pas passer pour une conne, je ne te les enverrai pas. Dis-moi s'il te plaît, si tu voulais, est-ce que tu pourrais? J'ose pas demander, peut-être que je devrais le dire en anglais. Won't you let me know? Won't you let me go? Just let me go. Don't you know? Won't you let it show? Or let me go? Please don't overshare. Tell me if you care, baby. Let me go. Je te maudis déjà. Pas de quoi passer pour une folle psychophobie. Très peu pour moi. J'ai beau m'arrêter sur les erreurs, sur le passé. C'est toi que je veux et que j'attends pour me baiser. Je ne voudrais pas me transformer en sorcière. Quand tu fleuris, t'habites un goût amer. J'ai voulu jouer, mais maintenant j'y vois plus clair. Clair, quel enfer, les sentiments sont pénétrants. Tu sais que tu me manques quand j'en ai envie tard le soir. Qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. When you're not around, baby, I don't sleep no more. And you know that I'll never mind being your little whore. Thank you.

reste blédard, débrouillard, je t'annonce. Ramène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe éco, dirou, sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les plaques arrachées, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les youyou qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. تعييت وجوني مار ما تراضيش لوكاسيون اروح اروح سيل ماما هدا نساتني كي جي سويا نخدم عليه يا شوري نويا يا البابور يا مرامور خرجني من لا ميزير بلادي راني محبور تعييت وجوني مار نساكريزي وندير الدار وحتى انا نولي ريشار يا يا يا يا الجيري Hey, Woody, hey, Woody, Woody. Viens, viens, laissez-moi de toi. Romain Jamel, Romain. Ouais, Liva JSK, Maghreb United. Algérie, Maroc, Tunisie réunifiée. Maghreb United. Partir loin pour fuir les problèmes qu'on a dans la tête. Mec, Maghreb United. Fahed Williams au clavier. Rachid le Toulousain au percu. Maghreb United. Et voilà, voilà, this is still Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. We just listened to three songs. It was Yoa with Booty Call, Shay with Sans Coeur featuring Niska, and 113 with Partir Loin featuring Taliani. We're going to keep going with the Victoire de la Musique. So we're going to listen again to Alyosha Schneider, but with a different song. It's going to be Avant Elle, Before Her. It's a cute song. Then Solan with Petit Corps, and Magenta Club and Yoa with Un Peu d'Amour. On y va? Y'a rien à espérer de moi. Passe ton chemin, t'arrête pas. Rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Jamais si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. T'embête pas, y'a rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. J'ai chose plus triste au monde quand ceux qu'on aime nous aiment plus? Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde quand ceux qu'on aime nous aiment plus? Ça résonne et ça sonne faux, une distorsion dans mes os, silencieusement qui se glisse, s'éternise dans ma matrice. Petit corps sera grand demain, pour l'instant, je me dédouane. Petit corps respirera demain, pour l'instant, je me dédouane et je reste loin, pour le moment, petit corps demain vivra bien, enfin je croise les doigts, petit corps, pas trop ce que ça peut être. Un regard, un bonjour, le parfum, un détour, une danse, un sub, les mélanges, des immeubles, un câlin, des caresses, une chanson, des fesses, tu Moi, au final, chacun fait comme il peut pour toucher un peu d'amour. Un peu. Facile. Il y en a pour qui c'est un flacon, un cocktail, des trucs étranges, un ticket, une patate, une soirée, une montée, une descente, un pompier, écrire, chanter, se tordre, pleurer, ça c'est bien pleurer. Il y a tellement de choses en fait, c'est différent pour tout le monde, tu vois. Trailblazing icon and legendary hip-hop pioneer MC Lyte is coming back to Minneapolis on Wednesday, March 12th and the Dakotas got her. MC Lyte's One of One tour is a celebration of resilience, empowerment, and perseverance in the face of adversity. The One of One tour is more than just a musical experience, inspiring everyone to harness their inner strength, embrace their individuality, and pursue their dreams without fear. Tickets for MC Lyte's One of One tour can be found at the Dakotas website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà, voilà. So we just listened to two more songs. We listened to Alyosha Schneider with Avant Elle, then Solan, who was Révélation Féminine, with Petit Corps. She was also nominated on something else, you are, but she won for Révélation Masculine. Maybe not. And the last one that we listened to was Magenta Club et Yoa, Un peu d'amour. And we're going to finish the night with Tiakola, SDM and Limbs with Plaisir Nocif, Justice, which is in English, with After Image featuring Ryman, and maybe Alain Chamfort, but I have some doubts about it, with Whiskey Glass with Sébastien Tellier. And Justice was nominated for another categories as well, Album de l'année. Yeah, for in the category album, there was Tiakola, Justice, Alain Chamfort, Clara Luciani, and Santa. And Santa is the one who won with Recommence-moi. On y va. And after that, I'm probably gonna go home, so it's gonna be Balkan Jamboree. So I'd rather say goodbye tonight, like right now, and stay safe on the road. And we'll be back next week. Bye. Quand je te parle de barème, je te parle de blessa, tu me parles du passé. Moi je te parle de place, mes envies de remplir Bercy. Quand je sors de Paname, je suis sans état d'âme, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. N'en dis pas mon prénom, 6 du match, je suis debout. L'OPG prend des notes, on question que tu dénonces. Quand je sors de Paname, je suis sans état d'âme, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. Forcément j'ai la tech, j'peux fêche en Adidas ou Nike Tech, ok. J'suis dans mon délire en chef, no cap. J'suis resté habile et focus, tu cap. Venir en fou dans ma tête, t'es bête. T'arrives en gamos, tu repars à patte. Ma chérie t'es fraîche et t'es okay. Ma chérie t'es fraîche et t'es. Qui veut jouer à la vache? Qui veut jouer qu'on l'attache? Numéro 10 j'fais des passes. Qui veut jouer en attaque? Yeah. Tellement de vermine. Ma chérie, doucement avec moi. Ma chérie, doucement avec moi. Elle veut lever pour acheter son vernis. Tu m'as saoulé, sur mon phone j'ai plusieurs notifs. On vivait un plaisir nocif, avec le verre et le violet pour me motiver. Avec toi je suis sans pitié, tu m'as donné ton cœur donc tu te sens niqué. Sur un contrôle de police, on me demande même plus mon identité. Quand je te parle de Paname, je te parle de Plaza, tu me parles du passé. Moi je te parle de place, de mes envies de remplir Bercy. Quand je sors de Paname, je suis sans état d'âme, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. N'en dis pas mon prénom, 6 du match, je suis debout. L'OPG prend des notes, on questionne, tu dénonces. Quand je sors de Paname, je suis sans état d'âme, je suis venu pour manger. On peut tous se venger, en vérité j'ai pas peur du danger. J'suis en Merco, j'ai toutes les classes. J'étais pas le plus doué de la classe. Tu sais que j'ai trimé pour faire ma place. J'suis un skinny qui prend de la place. J'ai le produit des lions de la tasse. Je vois tout jaloux, j'espère t'as pour ma place. En buvette, j'suis pas prêt de voir le fond de la tasse. C'était moi qui perturbais le fond de la classe. Tu connais la technique, poste-moi la belle, on gère des vrais dossiers. Et là-bas, ils ont la haine aussi. Ils sont toujours à mal, on les voit négocier. On les allume, on les éteint en détente. Caresse la détente, sois bien précis. En chef, on gère les vrais dossiers. Elle joue la folle, on la fait bosser. Saoulé. Sur mon phone j'ai plusieurs notifs. On vivait un plaisir nocif. Avec le verre et le violet pour me motiver. Avec toi je suis sans pitié. Tu m'as donné ton cœur donc tu te sens niqué. Sur un contrôle de police, on me demande même plus mon identité. Quand je te parle de Paname, je te parle de Bessa, tu me parles du passé.